Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure d'un nouveau mag. Et aujourd'hui, on prend la direction de Tours pour parler football américain avec un club emblématique de la région, les Pionniers de Touraine. Leur président Gauthier Pasquier est avec nous pour nous donner des nouvelles toutes fraîches du club, nous parler des projets en cours, mais aussi mettre en lumière deux aspects importants qu'on avait envie d'évoquer aujourd'hui, la place accordée au sport féminin et puis le développement de la pratique du flag football, une discipline accessible à tous. Bonjour Gauthier. Bonjour. À nos côtés, Alain, bénévole de l'association et ancien joueur. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Gauthier, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les Pionniers de Touraine et nous dire comment se porte le club en ce moment ? Eh bien, les Pionniers de Touraine, donc, c'est actuellement le seul club de football américain et de flag football du département en 37. C'est un club qui existe depuis 1987, voilà, qui a eu ses hauts, ses bas, jusqu'à monter au plus haut niveau, voilà, il y a encore 2 ans. Nous étions en première division en football américain, après avoir été champion de France en 2022. Donc voilà, beaucoup de beaux événements. Et puis bon, voilà, le départ de pas mal de joueurs a fait qu'on a été obligé de redescendre au niveau, enfin la troisième division nationale. Et on reconstruit tout doucement notre club. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs, changement de bureau justement. Donc là, j'ai pris la présidence, moi, depuis 1 an. Oui. Ça a été beaucoup, beaucoup de boulot, bien évidemment. Moi, je suis au club depuis 2010, voilà. Donc depuis que j'ai... Enfin, j'y ai passé la moitié de ma vie déjà. Wow. Ça y est, j'ai même dépassé la moitié de ma vie sur le club. Donc oui, moi, j'ai repris le club là, il y a 1 an. On a remonté une équipe, donc football américain senior en 3e division. Et en fait, notre projet, ça a été surtout de développer les sections de jeunes. Parce que c'est des sports qui sont quand même pas très courants. Oui. Donc on a la chance d'avoir trouvé une personne qui s'occupe de la com et qui nous fait beaucoup de bien. Ça nous a permis d'avoir plein de nouveaux, des jeunes, des moins jeunes aussi, hein, bien évidemment. Des filles, des garçons, enfin un peu de tout, quoi, c'est bien. Petits, grands. L'avantage de ces sports avec le flag, c'est qu'on peut quand même avoir tous les gabarits qui le pratiquent. Et le flag football, c'est encore mieux puisque c'est mixte. Enfin, on peut jouer en mixte. Il y a des compétitions hommes-femmes, mais il y a aussi une catégorie mixte, un championnat complet mixte. Donc, voilà, c'est... Et flag football, tu peux nous préciser ce que c'est ? Parce qu'on, alors, quand on ne connaît pas du tout... Oui, je comprends. Alors, donc, le football américain, tout le monde voit ce que c'est, le casque, les épaulières, les chocs. Et le flag football, en fait, c'est la version sans le contact, voilà. Enfin, sans plaquage, parce que des fois, forcément, il y a un petit peu de contact. Mmh. Ça se joue à 5 contre 5 sur un terrain qui est plus petit. Et en fait, à la place du plaquage, on a une ceinture autour de la ceinture okay. avec deux drapeaux, donc des flags qu'on doit arracher pour simuler le plaquage. Voilà. Ah, et okay. Le principe est le même, hein, c'est de la progression avec un certain nombre de tentatives pour avancer. On franchit une ligne, on marque ou pas. Alors j'ai envie de vous poser cette question à tous les deux parce que, comme le disait à juste titre Gauthier, c'est pas un sport qui est très courant. Qu'est-ce qui vous a amené l'un comme l'autre à pratiquer justement le football américain en Touraine dans le 37, dans ce seul club qui le propose ? À l'origine, moi, j'ai vu une annonce sur la Nouvelle République, le quotidien local. J'ai toujours rêvé, quand j'étais gamin, je voyais ça à la télé. Bon, je me suis dit, bon, c'était les balbutiements à Paris. À l'armée, j'avais un copain qui jouait à Paris, à Joinville-le-Pont. Et puis, je me dis, il n'y aura jamais ça en Touraine. Et puis, je tombe sur cette annonce. Je suis allé, j'ai fait partie des 40 premiers, hein, pas les 40 voleurs, les 40 pionniers. Il y avait une bande de gars qui avaient joué au Mans, parce que les Caïmans du Mans, qui sont nos proches voisins, sont un peu à l'origine de ce club, puisqu'il y avait 3 joueurs tourangeaux qu'on avait ras-le-bol de faire... Les allers-retours, ils ont décidé, pourquoi on ne montrait pas un club ? Donc, on s'est retrouvés avec des gars qui venaient du hand, du tennis, du rugby. Moi, j'ai fait du cyclisme et du volley, vraiment rien, un peu de rugby, mais rien à voir. Et petit à petit, c'est des bénévoles, un petit peu comme Gauthier qui reprend maintenant le flambeau, comme il l'a dit. Hein. Ça a commencé en 87, et puis le club a connu des hauts, des bas, et un développement de plus en plus grand. On s'appelait Pionniers de Touraine parce que bah, on était un petit peu les voyageurs. Les précurseurs. Oui, puis on jouait sur des terrains où on voulait bien nous accepter. On faisait même des entraînements sauvages autour du lac de Tours, où on jouait à Fondette, Saint-Martin-Beau. Voilà, partout où on nous accueillait, on était d'accord. Et puis après, on s'est structuré petit à petit, affilié bien sûr à la Fédération française. Et le club a monté, on a eu des titres, jusqu'à l'avènement dont Gauthier parlait, ben on est monté très très très haut. Et puis on reviendra très très haut, j'en suis sûr. Et puis toujours, Gauthier, je ne pense pas qu'il me contradira, c'est vraiment une histoire de famille, on pourrait dire les pionniers, pas la famille large du terme, puisque une fois à partir du moment qu'on fait partie des pionniers, ben c'est très dur de... Quand on ne peut plus jouer, ben on ne joue plus, mais on passe comme dirigeant, comme entraîneur, comme bénévole. Et c'est aussi ce qui fait la force des pionniers, c'est ce côté... Il n'y a pas de génération. Par exemple, Gauthier, je l'ai vu arriver tout jeune, on l'a entraîné, je l'ai vu évoluer. Lui a fait de même avec ses successeurs. Et voilà, il y a toujours ce côté un petit peu transmission de valeurs, de partage, parce que c'est un sport collectif. On perd ensemble, on gagne ensemble. C'est un peu ce qui caractérise un peu les pionniers. Alors, même question, Gauthier. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport ? Eh bien, on parlait de famille. Moi, j'ai découvert ce sport avec mon petit frère. Voilà, à la télé, via des animes ou des matchs qu'on a pu voir. L'envie s'est faite ressortir de tester. Donc, on a été voir un match. Le premier match que j'ai vu, c'était les pionniers contre Angers à la Vallée du Cher. Voilà, qui n'est plus le stade actuel, hein, mais comme quoi, il y a eu pas mal de mouvements. Et en fait, bah, moi, j'ai pu commencer l'année d'après. Et mon frère a dû attendre un petit peu parce qu'il était plus jeune, mais voilà, il a pu commencer un petit peu après quand il a eu l'âge de pouvoir commencer. Ça s'est fait comme ça et je pense que j'ai trouvé à ce moment-là le sport qui me manquait. J'avais fait d'autres sports avant, mais j'ai retrouvé tout ce que j'avais besoin. Ouais, il y avait un plus, l'esprit, comme disait Alain, de famille, d'entraide, enfin voilà, ça fait qu'un, bah, du coup c'est ma 16e année là maintenant, et du coup je me suis marié et il y avait des pionniers qui étaient présents à mon mariage, voilà. Génial, donc, on imagine la sortie de l'église, si église il y a eu, mais on c'est imagine les ballons. Sortie de mairie avec les casques, l'aide d'honneur, tout ouais, ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que génération après génération, comme tu dis, voilà, on retrouve dans la vie de tous les jours, en bien comme en mal, il y a ce côté, on peut compter sur la seconde famille pionnier. Exactement. Les garçons, je vous propose de marquer une petite pause musicale avec Silmarils. Évidemment, on parle de sport, donc il va y avoir du sport sur Radioactive. C'est le moment idéal pour qu'on l'écoute ensemble et on se retrouve tout de suite après. Silmarils, va y avoir du sport et il y en a aujourd'hui sur l'antenne de Radioactive dans ce mag où nous recevons le président des Pionniers de Touraine, donc un club de football américain, club emblématique de la région, le seul d'ailleurs dans le département. Et Alain, qui est à la fois bénévole de Radioactive, mais aussi bénévole dans cette association et ancien joueur. Alors, on a parlé pas mal des valeurs que vous souhaitiez véhiculer au travers de cette pratique. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse parler un petit peu de la pratique féminine que vous pouvez proposer au sein du club, notamment à travers le flag football qui, si je ne me trompe, va devenir sport olympique. C'est ça, exactement. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu donc en 2028 à Los Angeles. Et comme quand ça change de continent, des nouvelles disciplines propres au continent sont ajoutées, les Américains ont choisi d'intégrer le flag football. Ce qui est vraiment bien, nous, c'est quelque chose sur lequel on va surfer pour essayer de ramener des nouveaux adhérents dans l'association. Et comme j'ai pu le dire en présentation, le flag football, c'est un sport qui peut être joué de manière mixte. C'est plus soft. Voilà, c'est plus soft. Après, ça reste quand même... Ça reste du sport. Ah, bien sûr, oui, ça reste quand même un sport où il peut y avoir du contact. Où, voilà, bien évidemment, quand on arrive lancé et qu'on attrape un ballon, si quelqu'un arrive en face, des fois, ça se rencontre un petit peu. Quoi. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui est normalement censé être évité. Du coup, ça nous permet de développer cette discipline-là, l'arrivée des JO, et d'amener la dimension féminine, parce que on veut développer aussi ce sport-là auprès des femmes. À la base, on voulait aussi créer une équipe de football américain, mais ça a été un petit peu plus difficile. On en a eu une. Après, les adhérentes sont parties. Là, on s'est dit, on va axer les choses sur le flag football pour essayer de créer un petit noyau de jeunes femmes, mais de femmes en fait de tous âges, voilà, pour pouvoir intégrer notre association. Je crois qu'il y a des femmes qui ont des résultats, d'ailleurs. Mais tout à fait, ouais. C'est ce que, là, actuellement, là, en ce moment même, a lieu l'Euroflag, Donc c'est la Coupe d'Europe de flag. Et on a la chance d'avoir deux femmes, des pionnières de Touraine. Deux pionnières, exactement, qui sont avec l'équipe de France en ce moment même. Voilà, qui démarrent très très très fort. Là. Hier, elles ont eu déjà deux premiers matchs où elles ont un petit peu écrasé, je ne saurais pas vous dire les pays. La Finlande, je crois. Il y avait eu, il me semble, ouais. Je ne saurais pas vous dire le pays ni le score exact, mais on est sur du 60 à pas grand-chose. Quoi. Ah ouais. Voilà. C'est relayé par les médias, parce qu'on en entend quand même moins parler que les sports qui, évidemment, font toujours l'affiche, à savoir le football, le rugby. Voilà, mais est-ce qu'on peut suivre sur Alors, les sur, médias IFAF TV, vous pouvez. D'accord. C'est la chaîne internationale de, on va dire, de flag football et de football américain. Et après, il y a des petits messages. On commence à le sentir. Je crois que, exemple, c'est passé dans une émission de radio nationale. Ils en ont parlé hier ou avant-hier, là. Puis là, on en parle sur Radioactive. Voilà. Donc, c'est dire la couverture médiatique bah ouais, que non, ce sport ça... va... Mais tout doucement, on va essayer de développer ce sport. Parce que comme ça se joue à tous âges et de manière mixte, en fait, on peut amener vraiment beaucoup de monde. C'est quelque chose qui est... relativement simple à mettre en place, même si après, quand on veut performer, comme tout sport, et bien sûr, il y a beaucoup de techniques. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà, ça reste très technique, mais ça reste quand même un sport où, de base, on peut l'amener assez facilement. Mmh. Là, on le fait avec les enfants aussi. On a monté une école de flag le samedi matin. Ils sont déjà une quinzaine. Voilà, ça fait un an qu'on a relancé ça. Donc, ça va de 6 à 13, de 6 ans à 13 ans. Ça se passe au même stade, à la Chambrerie, à Tournat. Et pareil, c'est mixte. Alors, bien évidemment, pour les plus jeunes, on part plus sous forme de jeu, tout ça. Déjà, l'appréhension d'une balle, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et le flag et le foot, c'est des sports qui n'ont rien de naturel dans leur mouvement, dans tout ça. Tout est à apprendre. On imagine les règles aussi à assimiler, évidemment. Et on peut venir essayer. Tout à fait, tout à fait. Tous les entraînements sont ouverts. Foot, flag, pour tous les âges. On ouvre les créneaux tout le temps parce que c'est un sport qu'on veut faire découvrir. Donc le samedi matin, 10h midi, si on veut venir découvrir au stade de la Chambrerie, c'est possible. Si on veut faire du flag quand on est un peu plus vieux, c'est le lundi et le jeudi soir à partir de 20h. Voilà, jusqu'à 22h, 22h30. Mm-hmm. Donc pareil pour le foot, c'est pareil. Les mêmes horaires, au même endroit, tout le temps. Puis un truc très important... Il faut dire aux enfants, le flag, c'est la meilleure école. Si vous voulez après faire du foot américain, même les adultes, c'est très bien de passer par le flag parce que, comme disait Gauthier, on apprend les rudiments et on comprend après comment se passe une équipe de foot américain, le rôle qu'on a. Et je trouve que le flag, c'est vraiment l'école du foot américain. Si on veut passer plus tard pour le foot américain, on peut rester dans le flag si on se sent, on n'a pas envie de contact. Mais j'encourage fortement les jeunes qui aiment le foot américain. C'est bien le foot américain, mais le flag, c'est l'école. Et on apprend vraiment les rudiments. Et nous, on n'a pas eu la chance à notre époque. Ça a été plus du brutal. Et justement, on a la chance aussi d'avoir un encadrement. Là. Gauthier va nous en parler. On a des joueurs de très haut niveau, des animateurs diplômés, des éducateurs diplômés. Et ça, ça a toujours été un peu l'ADN du club, de former. Et puis aussi des arbitres, on peut en parler. Effectivement, actuellement, pour toutes nos sections, là, on a une quinzaine d'encadrants. Voilà. Alors, tous bénévoles, mais qu'on a formés depuis plusieurs années. Alors, on accepte bien évidemment des nouvelles personnes sans souci. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des gens qui encadrent chaque poste pour bien expliquer, prendre le temps d'apprendre ce sport, en fait. Voilà. Et puis là, on va dire qu'en ce moment aussi, on a la chance d'avoir un coaching encore plus élevé puisqu'on a Wilfried Penet qui est avec nous. Wilfried, c'est un jeune qui est arrivé au club il y a quelques temps maintenant, il y a une dizaine d'années, en cadet, et qui a fait son petit bonhomme de chemin grâce à deux coachs de l'époque qui m'ont formé moi aussi, qui l'ont emmené très très haut. Donc il est passé par l'équipe de France, le Pôle France, tout ça, jusqu'à être... Beau palmarès. Et il est parti outre-Atlantique, et donc il a intégré les universités, tout ça. Il a été à Virginia Tech, donc une des plus grosses universités foot des États-Unis, et il a été aussi ensuite repêché par une équipe en NFL. Voilà, le plus haut niveau possible au monde. Ah oui. Voilà. Et actuellement, il est en France avec nous. Et en fait, tout simplement, comme c'est quelqu'un de très bien, il revient donner ce qu'on lui a donné au départ. Et il redonne sans compter. Et il est là à chaque entraînement, il participe. Cool. Voilà, exactement. On a bien compris qu'au-delà du sport, les pionniers, c'est vraiment une communauté avec toutes les belles valeurs que vous transmettez à vos licenciés dont on a déjà parlé tout à l'heure et aux jeunes qui rejoignent l'aventure. Comment on fait justement pour rejoindre les pionniers? Est-ce que déjà on a des réseaux sociaux, sites internet sur lesquels on peut aller se renseigner? Et est-ce qu'il y a un moment où on peut venir? C'est quoi? C'est quand le prochain match, par exemple, qu'on peut venir voir? Alors pour le foot, ça sera nous on démarre la saison mi-novembre, le flag mi-octobre. Donc après, voilà, tout n'est pas encore calé sur si ça sera à Tours ou pas, mais si toutes les infos passent pour la plupart sur notre compte Instagram, okay. Des Pionniers de Touraine, c'est pas compliqué, hein, voilà, c'est un fond rouge avec les cornes jaunes, donc on peut pas nous louper. et sur cette page Instagram, après, vous pouvez retrouver tous les liens qui amènent au site internet, aux différentes pages de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout ce qu'on a. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts, voilà. Parfait. Quels seraient vos arguments à l'un et à l'autre pour encourager des jeunes ou moins jeunes à venir rejoindre les pionniers de Touraine? Là, les plus gros arguments qu'on ait, c'est peut-être Wilfried que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, c'est un bel argument, en effet. Ouais, déjà. Et puis Lucie et Adeline, qui sont les deux joueuses actuelles d'équipe de France, qui viennent des pionniers et qui sont en train de performer et qui nous font rayonner aussi le club grâce à leur performance. Et voilà, elles sont incroyables. Et puis là, c'est pour le présent, mais le passé, on a fourni beaucoup d'éléments à toutes les équipes de France, aussi bien chez les jeunes. Tu ne parles pas de ton frère, mais c'est vrai, effectivement. Ton frère a joué dans les équipes jeunes de l'équipe de France. Et on a Olivier Sakouvogui, qui est une des légendes du foot américain français, qui est toujours en Touraine, qui est toujours en contact. Frère qu'on peut nommer ? Martin, oui. D'accord, Martin Pasquier. Voilà, et puis il y en a plein, on a eu plein d'internationaux qui ont joué et qui jouent encore pour certains dans des clubs de l'Hexagone, voire qui ont joué à l'étranger. Donc, Wilfried est le dernier descendant, on peut dire, parce qu'on a encore un autre qui est encore en université, si je ne me trompe pas. Oui, il y a Geoffrey qui est passé par, Geoffrey qui est passé par les pionniers aussi, qui est à SMU, une très bonne université aussi. Donc, ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est n'hésitez pas, vous voyez. Ces gars-là, ils ont commencé à Tours, comme vous, vous commencerez, et vous pouvez faire de votre sport une réussite. Après, si vous voulez juste rester au niveau tranquille, vous faire plaisir, il y a de la place pour tout le monde aux pionniers. Bien évidemment. Nous, on accueille tout le monde et le but, c'est de voir le projet, les projets individuels. L'accès à la performance sera toujours permis. Si on a un petit peu moins besoin, on trouvera toujours moyen d'impliquer les gens, parce que voilà, on veut juste transmettre les valeurs que véhicule notre sport. Et puis voilà, même si vous êtes juste là pour faire du bénévolat, y a pas de souci, il y a plein de choses possibles. Il y a de l'arbitrage, on a une petite buvette à tenir, et puis juste supporter l'équipe, venez nous voir. Mais oui, c'est important. Et c'est gratuit. C'est vrai. À signaler que les matchs sont gratuits. Oui. Ah oui, ce n'est pas une moindre info que celle-ci. Et on peut venir en famille, c'est ça qui est sympa. Tout le monde peut venir, l'accès au match est gratuit. Génial, et bien merci Gauthier, président des Pionniers de Touraine, Gauthier Pasquier. Et puis notre Alain radioactif, qui aujourd'hui a enfilé son t-shirt de sportif au travers de ces Pionniers de Touraine. Alors merci pour ce tour d'horizon autour du club, les projets et puis les ambitions. On se doute que le club va continuer encore longtemps à faire rayonner les couleurs de la Touraine et de transmettre les belles valeurs du football américain. J'espère aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce MAG. Vous pourrez le réécouter en podcast sur notre site internet www.radioactivefm.fr. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.